Yesterday, I recited a stanza taught by the Buddha. Appamattho amattang padang, pamattho macchuno padang, appamatta namiyanti, yepamatta yathamatta. Mindfulness is the way to the deathless. Hier, nous avons récité une stance du Bouddha, Appamada Amata Padam, Pamada Machuno Padam, Appamada Namiyanti, Pamada Mata Yatam. Donc, l'attention est le chemin vers l'état de non-mort, c'est-à-dire Nibbana. Selon le Satipatthana Sutta, réfléchir aux quatre fondements de l'attention, c'est le seul moyen de purifier les êtres, de surmonter le chagrin et les lamentations, de faire disparaître la douleur et le mécontentement, d'atteindre le noble chemin, c'est-à-dire Ariya Magga Pala Jnana, la connaissance du chemin et du fruit, et aussi de réaliser ou d'atteindre Nibbana. C'est ainsi que les yogis pratiquent maintenant, selon le Satipatthana Sutta. Les yogis pratiquent à présent, conformément au Satipatthana Sutta. Ils sont attentifs au corps, ils appliquent l'attention au corps, l'attention au ressenti, l'attention aux consciences et l'attention au Dhamma, les quatre Satipatthana. Hier, j'ai expliqué Kaya Nupassana, l'attention au corps, et Vedana Nupassana, l'attention au ressenti, en fonction de cette stance du Bouddha. Aujourd'hui, j'aimerais continuer avec l'attention aux consciences. Mais en bref, pas en détail. Je devrais aussi donner quelques instructions supplémentaires par rapport à la façon de gérer les ressentis, les sensations. Si l'on comprend cet enseignement du Bouddha, lorsque l'on pratique Vipassana, on devrait essayer d'être attentif à chaque instant. Le yogi devrait s'efforcer d'être attentif à chaque instant. Il devrait développer la qualité de la continuité de l'attention. Non pas une attention interrompue ou cassée. Si l'attention est interrompue par les empêchements, le yogi ne pourra pas voir la nature du corps et de l'esprit clairement. Le yogi doit voir les trois caractéristiques de anicca, la nature changeante des phénomènes, dukkha, la nature de souffrance des phénomènes, et anatta, la nature de non-soi des phénomènes. S'il ne parvient pas à voir les trois natures des phénomènes du corps et de l'esprit et de la matière, il ne pourra pas atteindre Nibbana, il ne pourra pas être illuminé. Donc, en comprenant cet enseignement du Bouddha, lorsque l'on pratique la méditation vipassana, il nous faut être attentif à chaque instant, sans exception. Il nous faut noter l'objet qui est évident. Si on est un débutant, on ne devrait pas noter voir ou entendre, mais on devrait noter l'objet qui est évident. Dans ce cas-ci, c'est le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. C'est l'objet primaire. C'est très important. Il faut noter l'objet primaire. C'est assez facile de voir le mouvement. On devrait noter l'objet primaire avec diligence lorsqu'on débute la pratique. Ainsi, l'esprit qui note s'établit sur l'objet primaire. Lorsqu'on agit ainsi, lorsqu'on parvient à bien voir l'objet primaire, tous les autres objets vont venir dans notre attention, dans notre champ de l'attention. Donc, nous devrions construire l'attention en notant le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Avec une attention bien établie, nous autres yogis sommes en mesure d'atteindre l'illumination, d'entrer dans le Nibbana. Une fois que nous avons atteint le premier stade de l'illumination, nous coupons les liens avec le samsara. Nous atteignons le premier stade d'illumination, celui de Sotapanna, et à partir de ce moment-là, nous pourrons renaître au maximum 7 vies. Et nous ne pourrons plus renaître dans les états de misère, dans les plans de misère. Nous ne pourrons renaître que dans des plans heureux, sugati, c'est-à-dire soit le plan humain, soit le plan des devas. Et si nous sommes humains, nous ne commettrons pas d'actions néfastes. Par contre, si nous n'avons pas encore atteint l'illumination, alors, comme le dit la phrase, Pamado Machuno Padam, l'inattention est le chemin de la mort. Si notre attention n'est pas suffisamment forte, alors nous n'avons aucune chance d'atteindre l'illumination et nous serons sans doute amenés à renaître dans le samsara encore et encore. Et donc chaque fois à vieillir, à décrépir et à mourir. Ainsi que le Bouddha l'a enseigné dans le Dhammacakkappavattana Sutta, que Sayado vient de réciter en pali. Donc Jati Dukkha, Marana Dukkha, le Bouddha énumère toutes les souffrances qui sont incluses dans la première noble vérité. La naissance est souffrance, le vieillissement est souffrance, la décrépitude est souffrance, la mort est souffrance, l'association avec ce qu'on n'aime pas est souffrance, la séparation de ce qu'on aime est souffrance, ne pas obtenir ce qu'on souhaite est souffrance. En résumé, tout ce qui est sujet à l'attachement aux 5 agrégats est souffrance. Si nous ne sommes pas attentifs, si nous ne pratiquons pas les 4 fondements de l'attention suffisamment, nous devrons mourir encore et encore, renaître encore et encore. Nous mourrons et puis nous renaissons, puis vient le vieillissement et puis vient la mort. Et puis une autre vie encore, à nouveau Jara, Marana, le vieillissement, la mort. Tout ça parce que nous n'avons pas atteint aucun stade d'illumination. Nous devons donc souffrir dans le samsara. Le monde est plein de tant de types différents de souffrances. Et en voyant cela, poussé par l'urgence, par Samvega, le yogi tente d'être attentif, il essaye, même si nous n'avons pas encore réalisé, même s'ils n'ont pas encore réalisé, ils essayent, c'est ce qu'on appelle Samavayama, l'effort juste. Et les yogis ont à présent une belle opportunité de s'extraire de la souffrance avec l'enseignement du Bouddha. Ils ont une grande chance, ils sont très chanceux d'avoir cette opportunité. En comprenant Samvega, le sens de l'urgence, en réfléchissant à la noble vérité de la souffrance, Dukkha Satcha, vous aurez sans doute l'intention d'échapper à la souffrance. Avec habité de Samvega, du sens de l'urgence, le yogi va s'efforcer de pratiquer avec diligence. Si le yogi possède cette qualité de Samvega, il essaiera de pratiquer avec diligence. Et de cette façon, il obtiendra la continuité de l'attention. Il aura une attention forte, bien établie. Une fois que l'attention est établie fermement, au même moment, le yogi va se réjouir, va être heureux. Le bonheur et la réjouissance vont apparaître en lui. Quand il est attentif, le yogi n'a pas de kilesa, il n'a pas de pollution mentale, il n'y a pas de désir, il n'a pas de colère, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de soucis, d'inquiétude. L'esprit est frais. Et quand l'esprit est frais, le corps aussi est frais et alerte. Le yogi est à l'aise. Il est dans le confort. C'est parce que le Dhamma est avec vous. Le Dhamma est avec le yogi. Qu'est-ce que c'est le Dhamma? Le Dhamma, c'est la nature du corps et de l'esprit, et vous l'expérimentez par vous-même. Voilà pourquoi il faut que vous vous efforciez d'être attentif à chaque instant. Ce n'est pas possible d'être attentif à chaque instant sans exception, mais vous essayez de le faire. Vous le faites pendant 1 heure d'assise, pendant 1 heure de marche, pendant les activités quotidiennes, en visant l'atteinte de Nibbana, en ayant cet objectif en tête. Mais évidemment, il y a des difficultés au cours d'une retraite. Même si vous recevez l'instruction de noter tout, vous expérimentez de la douleur en particulier. Parmi les difficultés, il y a la douleur. Et donc, vous devez essayer d'être patient parce que vous ne parvenez pas encore à noter la douleur. Mais un jour, vous en serez capable, vous serez capable de gérer les ressentis désagréables. Voilà donc pourquoi il faut tenter de développer une attention continue. L'instruction pour le yogi qui pratique, c'est d'être attentif à chaque objet. L'objet primaire du soulèvement et de l'abaissement de l'abdomen. Est-ce que le yogi voit l'objet, les douleurs. Mais, ah, pardon, excusez-moi. Donc, l'objet primaire, c'est le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Et l'objet secondaire, c'est la douleur, les pensées ou encore les différents organes des sens. Donc, voir, entendre, sentir, goûter, toucher. Lorsque le yogi note l'objet primaire, souvent, des pensées vont apparaître, des pensées malvenues, des pensées qu'on n'a pas voulu. Et le yogi note alors pensée, pensée. Le yogi n'a pas voulu penser ces pensées, mais elles s'invitent d'elles-mêmes. Alors que le yogi essaye d'être attentif à l'objet primaire ou aux objets secondaires, par exemple les douleurs, les engourdissements, les raideurs, etc. D'un coup, la pensée, les pensées vont emporter son esprit au loin. L'esprit ne reste plus avec vous. L'esprit ne reste plus avec le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. L'esprit ne reste plus avec la douleur. Et l'instruction à ce moment-là, lorsque le yogi prend conscience qu'il est en train de penser, c'est ne pas suivre la pensée, essayer de noter celle-ci immédiatement, penser, penser, penser. Si nous ne notons pas les pensées qui apparaissent, l'esprit va les suivre sans fin, va les suivre et les suivre encore sans s'arrêter. Si la pratique du yogi est diligente, s'il utilise de l'énergie mentale, peut-être qu'il prendra assez rapidement conscience qu'il y a que son esprit est distrait par la pensée. Peut-être ça prendra une minute seulement. Par contre, s'il n'utilise pas beaucoup d'énergie mentale, si sa pratique n'est pas très diligente, peut-être que ça prendra 5 minutes ou voire 10, voire 20 minutes avant qu'il n'en prenne conscience et qu'il revienne alors à l'objet de méditation. C'est pourquoi il faut tenter de noter l'objet présent avec diligence et avec attention. Lorsque l'esprit est actif, il n'y a pas de place pour la pensée. Lorsque l'esprit est bien attentif, il n'y a pas de place pour la pensée. Et lorsqu'il n'y a pas de place pour la pensée, la concentration va venir. Quand la concentration est là, l'esprit reste fixé sur l'abdomen, il ne va nulle part. Et si c'est les sensations qui sont observées, pardon, donc il reste sur l'abdomen et il voit les objets clairement. Et si c'est les douleurs qui sont observées, il peut voir les différentes qualités des douleurs. Si c'est des pensées qui sont l'objet de son attention, par exemple des imaginations, des souvenirs, des planifications, etc., il peut voir comment l'esprit apparaît et disparaît. Et il peut ensuite revenir à l'objet primaire. Et puis, l'instant suivant, voilà qu'à nouveau une pensée apparaît, mais il la note de nouveau et il la voit de nouveau disparaître. De cette façon, le yogi peut aussi comprendre comment l'esprit apparaît et disparaît, vient et part. C'est la qualité de l'attention. C'est dû à la qualité de l'attention. Le yogi, à ce moment-là, commence à être intéressé à la pratique. Lorsqu'il note, il peut voir la nature des phénomènes. Lorsqu'il devient capable de voir la nature des phénomènes, il y a une forme de ressenti plaisant qui apparaît. Il se réjouit. Ce n'est plus ennuyeux. Donc, il ne voit pas seulement le soulèvement et l'abaissement. Il ne voit pas bêtement le soulèvement et l'abaissement. Il voit aussi différents types de douleurs, différentes qualités de douleurs, par exemple une douleur perçante, une douleur pressante, de l'engourdissement, des désagréments, etc. Par contre, si le yogi ne pratique pas, il ne connaîtra pas l'état d'esprit qu'il habite. S'il pratique bien, par contre, il ne sera pas tout le temps habité par la seule tristesse. Il verra aussi, par exemple, que l'esprit se réjouit, etc. Donc, s'il est capable de noter, il va avoir de l'énergie mentale. Il va se dire, oh, je suis capable de noter sans interruption pendant 2, 3 minutes. Et il en retirera de la satisfaction. S'il note la douleur, il peut la gérer, il peut voir comment la douleur disparaît, comment elle se déplace. Et au lieu de l'ennui, c'est le bonheur, la réjouissance qui vont apparaître en lui. Oh, voilà donc le bénéfice de cette pratique de vipassana, se dit-il. Puissiez-vous être heureux et en bonne santé, être en mesure de pratiquer de façon diligente. Puissiez-vous comprendre le Dhamma, les Dhammas tels qu'ils sont réellement, et puissiez-vous atteindre Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, that's enough for today, huh? Nearly 10 o'clock. I have another Zoom meeting, so enough today. Thank you, May sir. You be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are, then attain Nibbana.